surendettement des particuliers. Soutenant être dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles, un agent commercial immatriculé au registre des agents commerciaux avait saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été jugée irrecevable. L'agent commercial relève des procédures collectives, conciliation, sauvegarde, etc., régies par le Code de commerce. Il se trouve en conséquence exclu du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement, même si ses dettes non professionnelles suffisent à caractériser son surendettement. Rappelons que relèvent également des procédures collectives du Code de commerce les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Par exemple, la dette de cotisation sociale d'un gérant majoritaire de SARL ne sera pas effacée par le rétablissement personnel du gérant ayant demandé le traitement de sa situation de surendettement.